Vous écoutez Radio Différence, l'émission radio nantaise de diversité psychique. Vous pouvez nous écouter sur le site www.radiodifference.eu. Si vous voulez participer, vous pouvez nous contacter à radiodifference@hotmail.fr. Le thème d'aujourd'hui, c'est la ville. Participent à cette émission André, François, Christian, Julie et André. Bonjour, je suis André. Donc il est question de parler de la ville et de l'errance. Aujourd'hui, je viens ici au GEM, faiblement. Je ne fais pas d'efforts pour aller mieux, pour être plus fort. Je ne peux pas ou ne veux pas. Je me laisse être comme je suis là, pas puissant. Je pourrais aller errer en ville, comme dans le passé, quand je me sentais ou me voulais maudit, ne voulant ou ne pouvant m'imposer avec force et bon droit nulle part. Je ne me sentais pas autorisé, je pensais que peut-être j'étais une sorte de poète qui s'en dépied, un Arthur Rimbaud dont personne ne veut et qui s'en va à travers bois, à travers champs, et qui traverse les villes à la recherche de lui-même, et qui se perd le plus possible pour mieux se trouver, comme dans la chanson de Paul Simon, « Slip Sliding Away ». You know the nearer your destination, the more you slip sliding away. Fuir, s'enfuir, fuir l'école, la famille, l'entreprise, partir loin, longtemps, fatiguer l'animal, comme dit l'autre, voir autre chose, ailleurs, et ne rien trouver, personne, que soi-même, marchant, perdu, sur les chemins. Ma pauvre André, tu t'en vas, triste et solitaire, lourd de cœur, cherchant l'amour qu'on trouve jamais, comme chante Graham Allwright. Comme un vagabond rempli de vagues à l'âme, divaguant dans la ville comme dans un désert ou Robinson seul sur une île déserte. On t'a débarqué seul dans ta vie, à toi d'aller où bon te semble, va où tu veux, tu es libre. Cette liberté, cette solitude, c'est effrayant et fatigant. On voudrait arriver quelque part, dans une maison de repos ou un hôpital, pour se poser, se reposer, retrouver une famille, un entourage, l'enfance. Ah, si tu avais une personnalité plus affirmée, tu n'en serais pas là. Mais la vérité, c'est que tu es resté un petit enfant qui croit qu'on peut passer sa vie à se promener dans les rues, en ruminant sa tristesse et en faisant la gueule. Tu es un petit rigolo qui n'amuse personne. Tu ne te plais pas sur terre et personne ne t'aime. Tu es le veuf, le mal-aimé, l'inconsolable, alors va traîner dans la ville pour qu'on ne te voie plus, vilain pas beau, indésirable. Mais non, André, tout le monde t'aime, cesse de te croire persécuté, allez, reviens, arrête d'errer dans la ville et viens boire un café avec les copains. Fin de l'errance. La ville est un lieu de rencontre et de contact. Fin. Bonjour, je suis Julie et je vous parle de la ville. J'aime errer dans la ville. Quand je stresse, j'erre à travers la ville. Quand je vivais à Barcelone, j'irais beaucoup dans la ville. J'ai erré dans le Raval à 3h du matin. Je fais de la dérive urbaine. Mais sur Nantes, je ne la trouve plus aussi intéressante comme ville qu'avant. Avant, lors de mes études à l'école des Beaux-Arts, j'errais sur Nantes et je prenais des photos. Mais maintenant, cela m'ennuie d'errer sur Nantes. Je ne découvre rien de nouveau et cela m'ennuie. J'aimerais bien trouver une ville où je puisse errer et m'arrêter au fil des rencontres et au fil des lieux trouvés. La question, la ville. La ville, pour moi, peut nous apporter deux côtés, bon ou mauvais. Le mauvais côté de la ville sont la solitude, l'isolement, les problèmes de chacun, les mauvais amis, les mauvaises compagnies, l'insécurité, l'ennui, l'abus de consommation, la pauvreté, la misère, un mauvais entourage, un manque de moyens, de structures appropriées, aussi de loisirs, le chômage, etc., qui peuvent apporter une mauvaise atmosphère de la ville. Et maintenant un peu de musique avec un morceau de Dazzy Mae qui s'appelle Sofa. All the same, I'm Bonjour, je suis André François. Je vais vous parler de la ville en rapport avec ma vie et avec les maladies dites psychiques. Dans ma vie, j'ai vécu à la fois à la campagne et en ville, et dans de grandes villes et dans des petites villes, ce qui est très différent. Nantes ou Chartres ou Hildesheim en Allemagne, c'était vraiment des villes moyennes, petites, où il ne se passait pas grand-chose. Et puis aussi, vraiment à la campagne, dans les Vosges du Nord, dans les Alpes de Haute-Provence, en Haute-Savoie et encore dans d'autres endroits. La qualité de vie n'est pas du tout la même. Et vivre dans un endroit, cela dépend aussi de qu'est-ce qu'on y fait. Quand on est enfant, étudiant, une grande ville comme Strasbourg, ça peut être très bien, en tout cas en tant qu'étudiant c'était très très bien. La campagne aussi c'est très très bien, on peut y faire de grandes promenades pour réfléchir sur toutes sortes de sujets, observer un tas de choses qu'on ne peut pas observer en ville. Donc la campagne à ce moment-là, c'était très bien. Mais quand on est encore enfant et étudiant, on est porté par la vie de famille, ce qui n'est plus forcément le cas ensuite. La vie, quand on est porté par une famille, ou par un travail, ou par une communauté, par exemple une communauté religieuse, elle est possible presque partout. Par contre, la vie quand on est seul, elle est plus difficile à certains endroits. Seul à la campagne, ça peut être très difficile. Bien sûr, il y a la nature qui est belle, le ciel qui est dégagé, les oiseaux qui chantent quand ils chantent, mais il y a aussi les jours de pluie, les jours de brouillard, les jours de neige. Quand j'ai vécu dans les Alpes, 2 mois de neige, c'était très long, très long. Et puis, à la campagne, on peut aussi avoir des problèmes d'isolement à cause des distances, faire ses courses en vélo, quand il y a de la neige, c'est assez difficile. Les transports en commun, il y a des endroits où il n'y en a plus, pas du tout. Donc on est très isolé. Et voilà, c'est pas toujours facile de vivre à la campagne. La maladie à la campagne, là, ça peut être très difficile. Parce que les médecins sont loin, les hôpitaux sont très loin. Ensuite, les voisins nous connaissent, on est toujours connus des voisins à la campagne. Donc, si c'est une maladie dite psychique, les gens ne comprennent pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il va jamais travailler. Il est de nouveau à la maison. Il s'occupe pas de son jardin. Il s'occupe pas de ses poubelles. Enfin, il y a des tas de choses comme ça qui sont remarquées par les voisins et les gens jasent beaucoup. À la ville, c'est plus facile de se cacher. Les voisins, ils s'en fichent souvent de leurs voisins. Donc, on peut être tranquille, on peut être très longtemps en dépression, ne voir personne, pratiquement pas sortir, et ça ne dérange personne si l'on est seul. Mais bon, dans une ville, il y a beaucoup de possibilités. il y a beaucoup de commerce, il y a beaucoup de services. Aller à Pôle emploi si on est au chômage, c'est encore possible. Quand j'étais dans les Alpes, Pôle emploi c'était à 25 km. Et pendant un temps, ma voiture ne fonctionnait pas. Bon, c'était pas facile du tout d'y aller et d'expliquer que les convocations étaient impossibles à respecter. Pas de voiture, voilà. En ville, bon, il y a les transports en commun. À Nantes, on a en plus la chance d'avoir un abonnement gratuit si on a la hache, comme moi. Donc, on peut prendre le tram, le bus sans problème. C'est quelque chose qui n'est pas possible partout, donc pas dans toutes les villes. Voilà. Quand je devais choisir mon lieu de résidence il y a quelques années, donc j'aurais pu choisir d'aller n'importe où, j'ai choisi une grande ville. Et j'ai choisi Nantes, effectivement, parce que ça me semblait être une ville où il y avait beaucoup de possibilités. Et bon, effectivement, par rapport à bien d'autres endroits, surtout par rapport aux petites villes, qui sont le pire parce qu'il n'y a aucun avantage de la campagne et il n'y a pas les avantages des grandes villes. Donc par rapport aux petites villes, c'est vraiment une très belle ville. Maintenant, je vais vous lire le résultat de notre échange sur la ville. Dans une ville, il y a beaucoup de monde. Il y a une difficulté pour des gens comme nous pour s'intégrer dans la ville. Au contraire de la campagne, la ville est un lieu de solitude, même s'il y a beaucoup de monde. Sait-on faire des amis dans une ville? Peut-on créer de vrais liens amicaux en ville? En ville, on peut se cacher. On n'est pas identifié par tout le monde comme malade psy. En ville, les voisins se foutent si on ne travaille pas, s'en foutent. La ville ramène toujours à la société de consommation, ce qui est frustrant pour les malades psy qui sont souvent pauvres. La ville est un lieu de tentation et de perdition, les bars, les magasins, etc. La ville est un lieu de possibilités, de découvertes et d'histoires. Je trouve qu'il est plus facile de rencontrer des gens comme soi à la ville, ce qui rend plus facile de se faire des amis. Il y a des villes qui sont très belles et d'autres horriblement moches.